À ce moment, Marie-Laure arrive en pleurant. Mireille, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en panne. Tu es en panne? Oui, le bateau est en panne. Il n'y a plus de vent, il est au milieu du bassin. Il ne revient pas. Viens. Écoute, tu m'embêtes, débrouille-toi. Mais viens. Non. Viens. J'y vais. Mais quel est ton garçon, cette gamine? Oui, mon bateau est en panne. Il n'y a plus de vent et il est au milieu du bassin. Il ne revient pas. Mon bateau est en panne. Pourquoi Marie-Laure pleure-t-elle? Parce que son bateau est en panne. Il n'y a plus de vent. Pourquoi son bateau est-il en panne? Parce qu'il n'y a plus de vent. Il est au milieu du bassin. Il ne revient pas. Ah, tu m'embêtes! Tu m'embêtes! Débrouille-toi! Débrouille-toi! Il était un petit navire, il était un petit navire. Robert et Mireille se laissent et se dirigent vers le bassin. Mais le bateau de Marie-Laure est revenu tout près du bord. Hey, tu te moques de nous? Mon bateau est en panne, il est au milieu du bassin. Hey. Ben oui, il était là tout à l'heure, au milieu du bassin. Le vent est revenu, c'est tout. Oh, c'est tout emmêlé. Hey, débrouille-toi. Oh. C'est pas grave, je vais arranger ça. Et voilà. Eh bien, dis merci. Merci. Le bateau de Marie-Laure est revenu tout près du bord. Le bateau de Marie-Laure est revenu. Le bateau de Marie-Laure est revenu tout près du bord. Quand Robert et Mireille arrivent au bassin, où est le bateau de Marie-Laure? Est-ce qu'il est toujours au milieu du bassin? Non, il est revenu tout près du bord. Il était là tout à l'heure, au milieu du bassin. Il était là tout à l'heure. Au milieu du bassin. Au milieu. Au milieu du bassin. Il était là tout à l'heure au milieu du bassin. Bon, le vent est revenu, c'est tout. Le vent est revenu. Le vent est revenu. Le vent est revenu, c'est tout. Comment le bateau est-il revenu près du bord, d'après Marie-Laure? Parce que le vent est revenu. Tu n'avais jamais navigué, tu n'avais jamais navigué, ohé, ohé. Robert et Mireille s'en vont ensemble dans le jardin du Luxembourg. Vous êtes trop gentils. Mais dites-moi avec qui ça? Comment vous appelez-vous? Robert Taylor. Aucun rapport avec l'acteur. Et vous-même? Mireille Bello. Aucun rapport avec le poète. Quelle pédante cette Mireille! Elle fait allusion à Rémi Bello, un poète du XVIe siècle, un peu oublié. Il était un petit navire,